La réalité du taghout et la manière de le désavouer. Par Cheikh Abd al-Rahman ibn Talah al-Mukhlif. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la traduction est sans se rapprocher, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. Il en est alors certain qu'Allah a guidé, tandis que d'autres furent destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et voyez ce que fut le sort des dénégateurs. Sourate 16, verset 36. Allah, qu'il soit sanctifié, nous exposa que tout messager fut envoyé à son peuple pour leur ordonner d'adorer Allah et d'abandonner l'adoration du taghout. Or, nous croyons aux prophètes et nous doutons en aucun cas d'eux. Il faut donc absolument connaître la religion pour laquelle Allah envoya tous ses messagers, afin de nous y agripper pour ne pas en sortir, et que nous ne soyons pas de ceux qui furent destinés à l'égarement, mais plutôt de ceux qu'Allah guida. Allah mentionnait deux éléments dans ce verset. Premièrement, l'adoration d'Allah. Or, l'adoration d'Allah est ce que nous connaissons tous, telle la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, l'invocation, l'imploration de secours et de l'aide, l'application de la loi d'Allah dans toutes choses et recourir à la loi d'Allah pour résoudre les litiges. Toutes ces choses sont des adorations car Allah nous les a ordonnées. Deuxièmement, ce que tous les prophètes ont incité à leur peuple d'abandonner et de s'écarter, il s'agit du taghout. Il faut donc connaître ce qu'est réellement ce taghout pour justement pouvoir s'en écarter et s'en séparer. Car sinon, nous serons de ceux qui furent destinés à l'égarement, comme dans le verset. Donc celui qui s'agrippe à ces deux choses a été guidé par Allah. Quant à celui qui s'y oppose, il est destiné à l'égarement. Et Allah lui donna le nom de dénégateur. Il a même puni, et il menaça du même sort quiconque agira comme lui. Et les savants ont exposé et défini le taghout comme étant tout ce qui consent d'être adoré en dehors d'Allah, ou juge par autre que la loi d'Allah, ou qui est obéi dans les non-obéissances d'Allah. Certains dirent qu'il s'agit du taghout de l'adoration, le taghout du jugement, et le taghout obéi. Section du taghout d'adoration. Le taghout d'adoration est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme par exemple celui pour qui on se prosterne, celui pour qui on prie, celui à qui on fait des offrandes, celui à qui on promet des vœux, celui qu'on invoque en dehors d'Allah pour écarter le mal et apporter le bien, sans qu'il n'en soit capable, comme les morts ou les vivants incapables d'accomplir cette demande. Comme demander la guérison, la subsistance, alors qu'il est incapable de la donner. On trouve cela beaucoup dans les pays, et beaucoup de confréries chiites, par exemple, promettent des vœux à Ali, radiyallahu anhu, et lui offrent des sacrifices, prient à sa tombe en s'orientant vers elle et non vers la Qibla, lui implorent le secours lors des difficultés, et disent « Ô Ali » ou bien « Ô Hussein » ou encore « Ô Zahra » « Donne-moi la subsistance, guéris-moi » ou autre besoin encore que seul Allah peut accorder. Section du taghout du jugement. Sur le taghout du jugement, Allah Ta'ala a dit « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir foi en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi ? Ils veulent recourir au jugement du taghout, alors qu'il leur fut auparavant commandé de le désavouer. Satan veut les égarer d'un égarement profond. » Sourate 4, verset 60. Ce taghout se présente sous plusieurs formes. 1. Les lois humaines et les constitutions contraires à la loi d'Allah. Ce sont des taghouts, car elles contredisent le jugement d'Allah. Ces taghouts ont été instaurés en tant que remplaçants de la loi d'Allah. On a retiré la loi d'Allah pour la remplacer par ses constitutions et ses lois humaines. 2. Celui qui juge d'après ses lois. C'est le juge qui applique ses lois humaines et juge entre les gens d'après elles et impose aux gens de s'y soumettre et fait de ses lois la loi qui domine dans son pays et non la loi d'Allah. La constitution du Koweït stipule l'émir a le droit de motionner les lois, ainsi que de les approuver et de les émettre. 2. Celui qui juge d'après ses lois. C'est le juge qui applique ses lois humaines et juge entre les gens d'après elles et impose aux gens de s'y soumettre et fait de ses lois la loi qui domine dans son pays et non la loi d'Allah. La constitution du Koweït stipule « L'émir a le droit de motionner les lois ainsi que de les approuver et de les émettre. » 3. Les assemblées qui légifèrent avec Allah. Car il n'appartient à personne d'autre qu'Allah de légiférer. Allah a dit « Aurait-il des associés qui leur ont légiféré des règles à suivre qu'Allah n'a jamais voulu ? Or si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. » Sourate 42, verset 4. Et quel que soit le nom donné à ces assemblées, parlement, assemblée communautaire, assemblée générale, assemblée consultative, rien n'y change, car les noms ne changent rien à ce que sont les choses. Toute assemblée dans laquelle on légifère avec Allah est un taout. 4. Celui qui est membre de ce genre d'assemblée, comme les membres de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres qui ont le droit d'instaurer les lois ou de les motionner. C'est un taout aussi, car il accepte qu'on lui accorde le droit de légiférer avec Allah et d'être placé à l'égal d'Allah dans la législation et le jugement. Car sa fonction dans ces assemblées est de légiférer, ou poursuivre, ou inspecter la bonne application de la Constitution et sa mise en pratique. 5. Les juges et magistrats qui jugent d'après cette Constitution. Ce sont des taouts aussi, car ils jugent les litiges des gens d'après la loi constitutionnelle et non d'après la loi d'Allah. La Constitution stipule « L'autorité judiciaire appartient aux tribunaux au nom de l'émir et selon les limites de la Constitution. » Section du taout d'obéissance. Le taout d'obéissance est le suivi, c'est celui qui est obéi dans la non-obéissance d'Allah en le sachant et l'acceptant, comme par exemple celui qui juge d'après un jugement opposé à celui d'Allah ou donne une fatwa illégale volontairement. C'est aussi un taout. Allah a dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Mais rien d'autre ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu. Il n'y a de vrai Dieu que lui, gloire et pureté à lui au-dessus de ce qui lui associe. » Sourate 9, verset 31. Et Allah a dit, « Dis, ô gens du livre, venez donc autour d'une parole égale entre vous et nous, que nous n'adorons qu'Allah et ne lui associons rien, et qu'une partie d'entre nous ne prenne pas une autre partie pour Seigneur en dehors d'Allah. S'ils tournent le dos à leur dite, témoignez donc que nous nous sommes soumis. » Sourate 3, verset 64. Quiconque s'érige en tant que Seigneur qui légifère et à qui on obéit en dehors d'Allah comme Allah légifère et est obéi, il a alors disputé la seigneurie d'Allah. C'est donc un taout sous cet aspect, car il a violé sa limite dans la mécréance et l'égarement. Or, c'est réellement ça le taout. Tout ce qui viole sa limite dans la mécréance et l'égarement. Et les différentes formes de ce taout sont 1. Les constitutions et les lois humaines. Il existe donc un lien entre ce taout et le taout du jugement, car il contient des lois auxquelles recourent les gens lors de leur litige. Il contient aussi des législations que les gens pratiquent entre eux, qui concernent tous les domaines de leur vie. Parmi ces lois, par exemple, l'égalité des religions. L'un des articles de la Constitution stipule « Les hommes sont tous égaux dans la valeur humaine et égaux en droits et devoirs devant la loi, sans aucune distinction entre eux, que ce soit au niveau du sexe, de l'origine, de la langue ou de la religion. » Et un autre stipule « Liberté totale de penser. L'État préserve l'établissement des rituels religieux selon les traditions et coutumes tant que cela ne trouble pas l'ordre public et que cela ne va pas à l'encontre de la bienséance. » Il arrive que certains prétendus musulmans deviennent communistes ou chrétiens ou autres doctrines fausses, sans être inquiétés de quelque manière que ce soit. Car comme ils le disent, il y a liberté de conviction pour tout le monde, sans distinction aucune entre les gens dans cette liberté. Or, il n'est pas permis en islam de mettre le musulman et le mécréant à égalité, que ce soit au niveau de la personne ou devant la loi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce que le croyant est comme le pervers ?» Ils ne sont pas égaux. Sourate 32, verset 18. Et ceci reste d'actualité. Celui qui est mécréant, chrétien ou juif ou idolâtre, comme celui qui adore d'autres qu'Allah, même s'il prétend être musulman, il n'est pas permis de le mettre à égalité avec un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Sourate 22, verset 18. Or, la constitution, elle dit, le système koweïtien est un système démocratique. C'est le peuple qui dirige et qui est la source de toute l'autorité. Et le pouvoir est exercé de la manière stipulée dans cette constitution. Or, le pouvoir n'appartient qu'à Allah seul, et non au peuple. Alors que, ils ont mis le peuple à la place d'Allah dans la législation. Et le jugement et les membres de l'Assemblée nationale sont ceux qui représentent le peuple et légifèrent pour lui. La constitution stipule aussi, il n'y a aucun crime, ni aucune sanction qui soit considérée si elle n'est pas fondée sur la loi. Et aucune sanction ne peut être faite pour un acte, sauf si elle est stipulée par la loi. C'est donc la loi qui ordonne et interdit, et les sanctions n'appartiennent qu'à la loi. Ceci est le surmum de la dispute du commandement d'Allah et de sa loi. Même les messagers d'Allah ne peuvent quitter la loi d'Allah. Et Allah dit, « Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le, » dit, « Il n'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Sourate 10, verset 15. Les messagers suivent la révélation d'Allah. Alors que ceux-là, non seulement quittent la loi d'Allah, mais ils s'érigent eux-mêmes comme étant la source de la législation, non pas avec Allah, mais en dehors d'Allah. Et la loi d'Allah est juste subsidiaire à leur loi à eux. Alors lorsqu'on sait que les livres d'Allah révélés antérieurement au Coran ne peuvent primer sur la loi d'Allah, que dire de faire primer sur la loi d'Allah la loi de ces impies? Allah a dit, « Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous, alors il vous informera de ce quoi vous divergez. » Sourate 5, verset 48. Le Coran prime sur les livres antérieurs. Celui qui fait primer une loi antérieure révélée par Allah à l'un de ses messagers et la fait passer au-dessus de la loi du Coran, il devient mécréant. Alors que dire de celui qui fait primer les lois des pires mécréants, comme les lois instaurées par les juifs et les chrétiens, qui sont ces lois humaines auxquelles certains ajouts ont été amenés par certains prétendus musulmans, bien que l'islam soit innocent d'eux, et qui s'érigent eux-mêmes en tant qu'égaux à Allah dans la législation. 2. Le juge qui juge d'après une loi que celle d'Allah et impose aux gens d'adhérer à l'obéissance de cette loi et sanctionne le hors-la-loi. C'est le cas aujourd'hui dans les législations et les constitutions avec lesquelles les dirigeants gouvernent dans toutes les transactions sociales entre les gens. Toute chose doit être inclue dans la constitution et ne peut en quitter les limites. Et toute injonction non reconnue par la constitution et non acceptée par celle-ci ou contredisant celle-ci est sanctionnée. Et cette sanction sera celle reconnue par la constitution qui stipule l'autorité législative est rendu par l'émir et l'Assemblée nationale suivant la Constitution. Et parmi les lois constitutionnelles, il y en a qui contredisent les lois élémentaires de la religion de l'islam. Entre autres, l'émir déclare la guerre de défense par une ordonnance. Quant à la guerre offensive, elle est interdite. En effet, Allah a ordonné aux musulmans d'attaquer les mécréants. C'est ce que les savants et juristes nomment le djihad de conquête. Et l'obligation de cette forme de djihad est élémentaire dans la religion de l'islam. Lorsqu'il existe un État islamique et un émir, ainsi que la capacité de défendre l'État islamique et de le protéger, tant que ces conditions ne sont pas réunies, alors il n'est pas permis d'attaquer les mécréants. 3. Les membres de l'Assemblée nationale. Eux aussi légifèrent des lois pour les gens, comme le fait Allah. Et ces lois qu'ils légifèrent sont adoptées par les gens. La Constitution stipule « Aucune loi ne peut être émise tant que l'Assemblée nationale ne l'a pas approuvée et que l'émir ne l'a pas reconnue. » Allah a dit « Nous t'avons placé sur un chemin du commandement. Suis-le donc et ne suis pas les désirs de ceux qui ne savent pas. » Sourate 45, verset 18. Or, les désirs de ceux qui ne savent pas consistent en la loi du Tarout, que ce dernier soit l'Assemblée nationale ou celui qui gouverne cet État ou tout autre législateur. 4. Les savants qui changent consciemment la religion d'Allah pour qu'elle convienne aux dirigeants et qui incitent les gens à prendre en compte leurs paroles et de les accepter. Ceux-là sont les Tarout aussi et sont concernés par le verset. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah. Les rabbins sont les savants et les moines sont les dévots. Et parmi leurs grandes figures de notre époque, Ibn Baz et Ibn Uthaymin, ils se rapprochent fort des savants juifs car ils connaissent la vérité. Quand, à El-Bani, il ressemble plutôt aux dévots chrétiens à cause de son ignorance. Mais le chef de tous ces tarouts, c'est Satan. C'est en effet lui qui suggère l'adoration de tous les autres tarouts, que ce soit le tarout de l'adoration, du jugement ou de l'obéissance. Allah a dit « Ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable ? Il est incontestablement un ennemi évident pour vous. » Sourate 36, verset 60. Section sur le véritable désaveu du tarout. Une fois que nous savons ce qu'est réellement le tarout ainsi que certains de ses formes et de ses avatars, nous devons maintenant reconnaître comment faut-il faire pour le désavouer réellement. Nous devons savoir comment faut-il se comporter face à ce tarout. Allah a dit « Pas de contrainte en religion, la vérité s'est distinguée de l'égarement. Quiconque désavoue le tarout, tandis qu'il croit en Allah, a certes sa silence la plus solide qui ne peut se briser, et Allah entend et sait parfaitement toute chose. » Sourate 2, verset 256. Il nous est donc obligatoire de désavouer le tarout. Or, le désaveu du tarout, c'est d'être convaincu de l'invalidité de l'adoration de ce tarout. C'est-à-dire que tu dois être convaincu qu'il n'est pas permis d'adorer ce tarout, ni de recourir à son jugement, ni de lui obéir. Lorsque nous savons qu'il est un tarout, nous devons alors le détester, car il est faux et mensonge. Or, il est évident que le faux ne peut être aimé, mais doit être détesté et haï. Nous devons aussi l'abandonner et ne pas l'adorer, ni recourir à son jugement, ni lui obéir. Allah a dit « Quant à ceux qui s'écartent de l'adoration du tarout et reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux croyants. » Sourate 39, verset 17. Il est également obligé de détester les supporters du tarout, qui sont ceux qui l'adorent ou recourent à son jugement, ou lui obéissent, comme le dit Allah. Allah est le maître des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, leurs maîtres sont les tarouts qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu, où ils resteront pour toujours. Sourate 2, verset 257. Il est obligé de détester les gens de l'enfer, ainsi que de s'opposer à eux et de les bannir de l'islam, car ils adorent le tarout. Or, celui qui adore un autre qu'Allah ne sera jamais un serviteur d'Allah, mais bien un serviteur de ce qu'il a adoré comme tarout. Allah a dit « Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrahim et à ceux qui étaient avec lui parmi les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et entre vous et nous, paîtra l'opposition et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous n'ayez foi qu'en Allah uniquement. » Sauf pour une parole d'Ibrahim qu'il dit à son père, « Je demanderai pardon pour toi, mais je ne puis rien pour toi devant Allah. Ô notre Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, et vers toi que nous revenons repentants, et c'est vers toi qu'est le retour. » Sourate 60, verset 4. Lorsque le peuple d'Ibrahim se mit à adorer les tarouts, Ibrahim alors a désavoué son peuple et désavoua les tarouts qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et il leur exposa son opposition envers eux et sa haine, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de foi sauf en Allah uniquement. Mais tant qu'ils étaient dans l'adoration du tarout, alors le désaveu, l'opposition et la haine restent continuels. Tel est le véritable désaveu du tarout ordonné par Allah dans ses versets. Nous sommes convaincus de l'interdiction d'adorer le tarout. Nous l'abandonnons, nous la détestons. Nous détestons aussi ceux qui adorent le tarout, et nous nous désavouons de lui-même si c'est notre plus proche parent, tout comme Ibrahim désavoua son père, et nous le bannissons de l'islam, et nous ne le considérons pas musulman, même s'il lui prétend l'être, car Allah a dit. Et quiconque invoque un autre Dieu qu'Allah, sans avoir la preuve qu'il le mérite, alors son Seigneur lui réglera son compte. Certes, les mécréants ne réussiront jamais. Sourate 23, verset 117. Or, tout autre Dieu qu'Allah est un tarout. C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Section sur l'exposé de certaines idolâtries et impiétés, invalidant la racine du monothéisme. On peut compter parmi les idolâtries et impiétés que commettent les gens et par lesquelles ils adorent les tarouts en dehors d'Allah, ce qui les fait sortir de l'islam. 1. Recourir au jugement du tarout et accepter son jugement. Allah a dit, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir foi en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi ? Ils veulent recourir au jugement du tarout alors qu'il leur fut auparavant commandé de le désavouer. Satan veut les égarer d'un égarement profond. » Sourate 4, verset 60. Celui qui veut recourir au jugement du tarout, ou recourt à son jugement, ou accepte son jugement même sans y avoir recouru, alors il n'a pas concrétisé le désaveu du tarout. Et l'islam ne peut se concrétiser qu'en désavouant le tarout. Et celui qui ne désavoue pas le tarout n'est pas musulman. Or, nous avons déjà expliqué ce qu'est réellement le reniement du tarout. Et cela comprend, entre autres, le fait d'être convaincu de l'interdiction de l'adorer, et de ne pas l'adorer, de le désavouer lui ainsi que ses serviteurs, les détester et les bannir de l'islam. 2. Ceux qui ont la foi combattent dans le sentier d'Allah, tandis que les mécréants combattent dans le sentier du tarout. Combattez donc les serviteurs du tarout, la ruse du diable est certes piteuse. Sourate 4, verset 76. Combattre avec le tarout comme le font les soldats, les policiers et les gendarmes, ou quiconque secourt le jugement du tarout même sans être un soldat. Combattre peut se faire de la langue, défendre le jugement du tarout de sa langue, ou de sa main, comme en combattant avec le tarout pour défendre son jugement, ou financièrement, comme ceux qui dépensent de l'argent pour renforcer le jugement du tarout et le soutenir. 3. Participer aux assemblées où sont commises les impiétés, où les lois d'Allah sont modifiées. Comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, ou encore les tribunaux, où sont appliquées la loi du tarout, Allah a dit. Et il vous a déjà été révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on mécroit au verset d'Allah ou que l'on s'en moque, ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils aient changé de sujet, sinon vous serez jugés comme eux. Certes, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants tous ensemble dans la fournaise. Sourate 4, verset 140. 4. Faire l'allégeance légale au tarot. Ceci est la pire forme de soutien du tarot, car consiste d'une part à juger ce tarout musulman, et d'autre part de se soumettre et d'accepter qu'il soit celui qui juge les gens par la loi du tarout. C'est donc une mécréance sous deux aspects. D'une part, en jugeant musulman celui qu'Allah a ordonné de bannir de l'islam, et d'autre part, en obéissant à la loi qu'il applique, qui est la loi du tarout. Allah a dit, ô croyants, ne prenez pas les mécréants pour alliés à la place des croyants. Voulez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ? Sourate 4, verset 140. Et Allah dit, ô croyants, ne prenez pas vos pères ni vos frères pour alliés lorsque ceux-ci préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque d'entre vous les soutient, ceux-là sont les injustes idolâtres. Sourate 9, verset 23. 5. Montrer son accord ou son obéissance au tarout. Allah a dit, certes, ceux qui ont apostasié après avoir bien compris la vérité, Satan les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui détestent ce qu'Allah a révélé, « Nous allons vous obéir dans certaines choses. » Mais Allah connaît leur secret. Sourate 47, verset 25-26. Et Allah dit, « Tu as vu les hypocrites. Ils disent à leurs frères impies des gens du livre, « Si vous vous faites bannir, nous sortirons avec vous et nous obéirons jamais à personne contre vous. » Et si vous êtes combattus, nous vous secourrons. Mais Allah atteste qu'ils sont des menteurs. S'ils étaient bannis, ils ne sortiront pas avec eux. Et s'ils étaient combattus, ils ne les aideront pas. Et même s'ils les aidaient, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront pas secourus. Sourate 59, verset 11-12. 6. Soutenir les idolâtres, les juifs et les chrétiens. Allah a dit, ô croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns aux autres. Et quiconque d'entre vous les soutient est l'un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. Et Allah dit, les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés à la place des croyants. Et quiconque fait cela n'a aucun rapport avec Allah. Sourate 3, verset 28. Le Tarout incite les gens à respecter et admirer les juifs et les chrétiens, ainsi que d'autres idolâtres, dans le cadre de l'égalité des religions. Or, quiconque soutient les juifs et les chrétiens ou les idolâtres, il n'est pas musulman. 7. Se moquer d'Allah ou de son livre ou de son messager. Allah a dit, « Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes devenus mécréants après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à certains d'entre vous, nous en punirons d'autres pour avoir été criminels. » Sourate 4, verset 140. Sache que la moquerie envers la religion peut prendre deux formes. La moquerie flagrante, comme celui qui traite de khawarij ou de puritains, ceux qui bannissent les taroutes de l'islam et le désavouent d'eux, ou alors le traite d'arriéré, ou de vivre au Moyen-Âge, rétrograde, ou que ta religion ne correspond plus à notre époque, que les temps ont changé, ou autre expression indiquant le mépris du commandement du monothéisme et du reniement du tarout. La moquerie dissimulée, c'est comme une mer sans vagues, lorsqu'on fait des clins d'œil, ou qu'on tire la langue, ou qu'on fait la moue, ou des signes de la main pendant qu'on récite le Coran, ou la sunna du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ou lorsqu'on ordonne le bien ou interdit le mal. 8. Montrer du dégoût ou de la colère lorsqu'on prêche la religion d'Allah, ou qu'on récite le Coran, ou qu'on ordonne le bien et interdit le mal. La preuve de cela est le verset. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible ? Le feu. Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir. Sourate 22, verset 72. La mécréance de ce genre de personnes a été stipulée au début et à la fin du verset. 9. Détester ce que Allah a révélé à son messager comme livre et sagesse. La preuve de ceci est la parole d'Allah. C'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a révélé. Allah a donc anéanti leurs œuvres. Sourate 47, verset 19. Et Allah dit, c'est parce qu'ils ont suivi ce qui courroue Allah et qu'ils ont détesté ce qui le satisfait. Leurs œuvres se sont invalidées. Sourate 47, verset 27. 10. Hésiter ou douter de la mécréance des serviteurs du Tarout. Car tout monothéiste est obligé de se désavouer du Tarout et de bannir de l'islam celui qu'il adore en dehors d'Allah. Allah a assurément statué de la mécréance de celui qui adore un autre qu'Allah. Il nous est donc obligatoire d'être convaincus que celui qui adore un autre qu'Allah est un idolâtre, comme le dit Allah dans son livre. Et quiconque invoque avec Allah un autre Dieu sans avoir de preuve de sa divinité, alors son Seigneur lui réglera son compte. Certes, les mécréants ne réussiront jamais. Sourate 23, verset 117. Et Allah dit, et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel et assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du feu. Sourate 39, verset 8. Et Allah dit, le culte pur n'appartient-il pas à Allah uniquement ? Quant à ceux qui prennent des associés en dehors de lui, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Certes, Allah jugera entre eux pour trancher de leurs divergences. Et Allah ne guide pas le menteur, grand mécréant. Sourate 39, verset 3. 11. Se désintéresser d'apprendre la religion d'Allah et le négliger. La preuve de cela, Allah dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Sourate 20, verset 124. Et Allah dit, n'as-tu pas vu comme agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends ? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive. Sourate 2, verset 23. Et Allah dit, et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Sourate 23, verset 48. 12. Glorifier le Tarout en accrochant sa photo ou en élevant son drapeau. Car ceci indique qu'il ne le déteste pas, mais qu'au contraire, il l'admire et le respecte. Allah dit, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim, en ceux qui étaient avec lui parmi les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, Et entre vous et nous paîtra l'opposition et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous n'ayez foi qu'en Allah uniquement. Sauf pour une parole d'Ibrahim qu'il dit à son père, « Je demanderai pardon pour toi, mais je ne puis rien pour toi devant Allah. Ô notre Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, et vers toi que nous revenons repentants, et vers toi qu'est le retour. » Sourate 60, verset 4. 13. Faire le serment de respecter le Tarout. Que cela soit lorsqu'on entre dans l'Assemblée nationale, ou le Conseil des ministres, ou dans l'armée, la police, ou la garde nationale, ou toute fonction pour laquelle on doit prêter serment d'honorer la Constitution. Ceci est une mécréance majeure, expulsant de la religion. La Constitution stipule « Je jure par Allah le Très-Haut de respecter la Constitution et les lois de l'État, de défendre la liberté du peuple, ses intérêts et ses biens, et de préserver l'indépendance de la nation et la sécurité de ses terres. » Et le serment que doivent prêter les membres de l'Assemblée nationale est « Je jure par Allah le Très-Haut d'être purement voué à la nation et à l'émir, de respecter la Constitution et les lois de l'État, de défendre la liberté du peuple, de ses intérêts et de ses biens, et d'accomplir mon devoir avec fidélité et sincérité. » Ce serment de respecter la Constitution invalide totalement l'opposition qu'on doit lui vouer, ainsi que la haine, lorsque quelqu'un respecte une chose, ni ne s'y oppose. Or, nous avons exposé que la Constitution est un tarout et qu'il est donc obligatoire de la désavouer. Celui qui la respecte ne l'a donc pas désavouée. Allah a dit, « Dis, qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignage ?» Dis, « Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il n'y ait avec Allah d'autres divinités ?» Dis, « Je n'atteste pas. » Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Sourate 6, verset 19. Et Allah dit, et lorsqu'Ibrahim dit à son père, à son peuple, je désavoue ce que vous adorez. Sourate 43, verset 26. 14. Participer aux élections en élisant un tarout qui juge à l'opposé de la loi d'Allah ou légifère avec Allah. Celui qui fait ça est inclus dans le verset. Dit, ô gens du livre, venez donc autour d'une parole égale entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah et ne lui associons rien, et qu'une partie d'entre nous ne prenne pas une autre partie pour Seigneur en dehors d'Allah. S'il tourne le dos, alors dites, témoignez donc que nous nous sommes soumis. Sourate 3, verset 64. L'électeur a donc pris un Seigneur qui légifère, autorise et interdit, et change la loi d'Allah. L'électeur a donc pris un Seigneur qui légifère, autorise et interdit, et change la loi d'Allah. Celui qui fait cela n'est pas musulman, car le musulman, comme l'indique ce verset, n'adore qu'Allah et ne lui associe rien, et ne prend pas de seigneur en dehors d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit, s'il tourne le dos, alors dites, témoignez donc que nous nous sommes soumis. Et que celui qui ne concrétise pas cela n'est pas soumis, n'est pas musulman. 15. Celui qui fait de la nation la base de l'union entre les gens au lieu de l'islam. Celui qui est cohétien, je l'aime et j'en fais un proche et je l'aime même si c'est un mécréant. Par contre, celui qui n'est pas cohétien, je l'aime pas et je n'en fais pas mon proche, même si c'est le plus pieux de toute l'humanité. Allah a dit, les croyants ne prennent pas pour allier les mécréants à la place des croyants. Et celui qui fait cela n'a aucun rapport avec Allah, sauf si vous cherchez à vous protéger d'eux. Allah vous avertit contre lui-même et c'est vers là qu'est le retour. Sourate 3, verset 28. Allah dit, ô croyants, ne prenez pas vos pères ni vos frères pour alliés s'ils préfèrent la mécréance plutôt que la foi. Et ceux d'entre vous qui les soutiennent, ceux-là sont les injustes. Sourate 9, verset 23. Il n'y a aucune excuse pour celui qui commet l'une de ces invalidations de l'islam, sauf celui qui est contraint. Aucune excuse, mauvaise compréhension, ni aucune ignorance ne sera considérée comme une excuse. Allah dit, quiconque mécroit en Allah après avoir eu la foi, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur est paisiblement croyant. Mais quiconque ouvre son cœur à la mécréance ont sur eux la colère d'Allah et auront un grand châtiment. Sourate 16, verset 106. Et Allah demeure le plus savant, et qu'Allah salue et bénisse Mohammed ainsi que sa famille et tous ses compagnons.